Actes chapitre 10. Or il y avait à Césarée un homme, nommé Corneille, centenier d'une cohorte de la légion appelée Italique. Homme dévot et craignant Dieu, avec toute sa famille, faisant aussi beaucoup d'aumônes au peuple, et priant Dieu continuellement. Lequel vit clairement en vision, environ sur les 9 heures du jour, un ange de Dieu qui vint à lui, et qui lui dit, Corneille. Et Corneille ayant les yeux arrêtés sur lui et étant tout effrayé, lui dit, Qu'y a-t-il, Seigneur? Et il lui dit, Tes prières et tes aumônes sont montées en mémoire devant Dieu. Maintenant donc, envoie des gens à Joppe, et fais venir Simon, qui est surnommé Pierre. Il est logé chez un certain Simon, corroyeur, qui a sa maison près de la mer, c'est lui qui te dira ce qu'il faut que tu fasses. Et quand l'ange qui parlait à Corneille s'en fut allé, il appela 2 de ses serviteurs, et un soldat craignant Dieu, d'entre ceux qui se tenaient autour de lui, auquel ayant tout raconté, il les envoya à Joppe. Or, le lendemain, comme ils marchaient, et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur la maison pour prier, environ vers les 6 heures. Et il arriva qu'ayant faim, il voulut prendre son repas, et comme ceux de la maison lui apprêtaient à manger, il lui survint un ravissement d'esprit. Et il vit le ciel ouvert, et un vaisseau descendant sur lui comme un grand linceul, lié par les 4 bouts, et descendant en terre, dans lequel il y avait de toutes sortes d'animaux terrestres à 4 pieds, des bêtes sauvages, des reptiles, et des oiseaux du ciel. Et une voix lui fut adressée, disant, « Pierre, lève-toi, tue, et mange. » Mais Pierre répondit, « Je n'ai garde, Seigneur, car jamais je n'ai mangé aucune chose immonde, ou souillée. » Et la voix lui dit encore, « Pour la seconde fois, les choses que Dieu a purifiées, ne les tient point pour souillées. » Et cela arriva jusqu'à 3 fois, et puis le vaisseau se retira au ciel. Or, comme Pierre était en peine en lui-même, pour savoir quel était le sens de cette vision qu'il avait vue, alors voici, les hommes envoyés par Corneille, s'enquérant de la maison de Simon, arrivèrent à la porte. Ayant appelé quelqu'un, ils demandèrent si Simon, qui était surnommé Pierre, était logé là. Et comme Pierre pensait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voilà 3 hommes qui te demandent. Lève-toi donc, et descends, et t'en vas avec eux, sans en faire difficulté, car c'est moi qui les ai envoyés. » Pierre donc, étant descendu vers les gens qui lui avaient été envoyés par Corneille, leur dit, « Voici, je suis celui que vous cherchez, quelle est la cause pour laquelle vous êtes venus ? » Et ils dirent, « Corneille, centenier, homme juste et craignant Dieu, et ayant un bon témoignage de toute la nation des Juifs, a été averti de Dieu par un saint ange de t'envoyer quérir pour venir en sa maison, et t'ouïr parler. » Alors Pierre les ayant fait entrer, les logea, et le lendemain il s'en alla avec eux, et quelques-uns des frères de Joppe lui tinrent compagnie. Et le lendemain ils entrèrent à Césarée. Or Corneille les attendait, ayant appelé ses parents et ses familiers amis. Et il arriva que comme Pierre entrait, Corneille venant au devant de lui, et se jetant à ses pieds, l'adora. Mais Pierre le releva, en lui disant, Lève-toi, je suis aussi un homme. Puis en parlant avec lui, il entra, et trouva plusieurs personnes qui étaient là assemblées. Et il leur dit, Vous savez comme il n'est pas permis à un homme juif de se lier avec un étranger, ou d'aller chez lui, mais Dieu m'a montré que je ne devais estimer aucun homme être impur, ou souillé. C'est pourquoi, dès que vous m'avez envoyé quérir, je suis venu sans en faire difficulté. Je vous demande donc, pour quel sujet vous m'avez envoyé quérir? Et Corneille lui dit, Il y a 4 jours, à cette heure-ci, que j'étais en jeûne, et que je faisais la prière à 9 heures dans ma maison, et voici, un homme se présenta devant moi en un vêtement éclatant. Et il me dit, Corneille, ta prière est exaucée, et Dieu s'est souvenu de tes aumônes. Envoie donc à Joppe, et fais venir de là Simon, surnommé Pierre, qui est logé dans la maison de Simon Corroyeur, près de la mer, lequel étant venu, te parlera. C'est pourquoi j'ai d'abord envoyé vers toi, et tu as bien fait de venir. Or maintenant nous sommes tous présents devant Dieu, pour entendre tout ce que Dieu t'a commandé de nous dire. Alors Pierre prenant la parole, dit, En vérité, je reconnais que Dieu n'a point d'égard à l'apparence des personnes. Mais quand toute nation celui qui le craint, et qui s'adonne à la justice, lui est agréable. C'est ce qu'il a envoyé signifier aux enfants d'Israël, en annonçant la paix par Jésus-Christ, qui est le Seigneur de tous. Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée en commençant par la Galilée, après le baptême que Jean a prêché. Savoir, comment Dieu a oint du Saint-Esprit, et de force Jésus le Nazaréen, qui a passé de lieu en lieu, en faisant du bien, et guérissant tous ceux qui étaient sous le pouvoir du démon, car Dieu était avec Jésus. Et nous sommes témoins de toutes les choses qu'il a faites, tant au pays des Juifs qu'à Jérusalem, et comment ils l'ont fait mourir, le pendant au bois. Mais Dieu l'a ressuscité le troisième jour, et l'a donné pour être manifesté. Non à tout le peuple, mais aux témoins auparavant ordonnés de Dieu, à nous, dis-je, qui avons mangé et bu avec lui, après qu'il a été ressuscité des morts. Et il nous a commandé de prêcher au peuple, et de témoigner que c'est lui qui est destiné de Dieu pour être le juge des vivants et des morts. Tous les prophètes lui rendent témoignage, que quiconque croira en lui, recevra la rémission de ses péchés par son nom. Comme Pierre tenait encore ce discours, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Mais les fidèles de la circoncision, qui étaient venus avec Pierre, s'étonnèrent de ce que le don du Saint-Esprit était aussi répandu sur les gentils. Car ils les entendaient parler diverses langues, et glorifier Dieu. Alors Pierre prenant la parole, dit, « Qu'est-ce qui pourrait s'opposer à ce que ceux-ci, qui ont reçu comme nous le Saint-Esprit, ne soient baptisés d'eau ? » Il commanda donc, qu'ils fussent baptisés au nom du Seigneur. Alors ils le prièrent de demeurer là quelques jours.